Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, l'insurrection hongroise de 1956. L'insurrection de Budapest a commencé à Varsovie quelques jours plus tôt. Et c'était les événements de Varsovie, le changement à la tête du parti, le retour de Gomulka, qui a soulevé de nouveaux espoirs à Budapest. Et ensuite, c'était la fête, n'est-ce pas? Un immense cortège, probablement 300 000 hommes et femmes et enfants dans la rue. Alors, on a cru que ça va aller, mais ce n'était pas le cas. C'était tout de suite la douche froide et puis les fusils. L'historien Miklós Molnár rappelle dans cette entrevue qui date de 1988 qu'à l'automne de 1956, les Hongrois ont cru pendant quelques jours avoir réussi à se libérer du joug soviétique. Le premier ministre Imre Nagy forme un gouvernement de coalition, annonce le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie et ouvre la frontière avec l'Autriche. Mais cette révolution hongroise sera de courte durée. Après quatre jours d'euphorie et d'espoir, les chars de l'armée rouge entrent dans Budapest. Drame immense, drame où se mêlent l'espoir, le courage et la mort, bouleverse aujourd'hui la Hongrie. Ces premiers reportages nous arrivent de la frontière d'Autriche, où les postes hongrois ont supprimé dès les premières heures tous les signes de l'obédience aux soviets, étoiles et faucilles, pour les remplacer par les simples couleurs de la vieille patrie. À la frontière autrichienne, les premières nouvelles de l'insurrection arrivèrent avec les camions qui venaient chercher des médicaments pour les blessés du matin. On apprit alors que Budapest était en flammes et qu'une vague populaire anti-russe d'une violence extrême commençait à s'étendre d'un bout à l'autre du pays. Aussitôt, à la frontière, marquée maintenant de miradors inutiles, surgissaient des groupes qui passaient la ligne pour fuir le drame. Mais ces à côté ne faisaient pas oublier que le sang coulait. On parlait déjà de milliers de morts. Pendant qu'à Budapest, l'insurrection tenait tête, les régiments hongrois étaient passés en grand nombre du côté des révoltés, arrachant de leurs uniformes les anciens emblèmes. Cédant à la pression populaire, le gouvernement Nagy a arrêté les divisions russes. Un peuple, soviétisé depuis 11 ans, essaie à coups de sacrifice et d'héroïsme de faire bouger le monde et changer les destins. Tout semble encore possible au moment de la présentation de cette capsule des actualités françaises. Nous sommes le 31 octobre 1956. La révolution hongroise semble bel et bien en marche, mais le vent va tourner. Il va tourner rapidement quand l'armée rouge entrera dans Budapest quelques jours plus tard. Pour nous raconter le soulèvement de 1956 en Hongrie, mon invité est Jacques Lévesque, professeur émérite de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste de l'Europe de l'Est. Jacques Lévesque, bonjour. Bonjour. Monsieur Lévesque, avec le recul, on sait maintenant toute l'importance qu'a eu ce soulèvement de 56 en Hongrie. Il a été réprimé très, très durement par les soviétiques. Mais encore une fois, avec le recul, on le voit maintenant, on le comprend. Est-ce qu'on peut dire que c'était la première brèche dans cet édifice du soviétisme? Tout à fait. Et c'était surtout un événement très traumatique pour le mouvement communiste international parce que c'était la première fois que l'armée rouge, l'armée soviétique, allait écraser une insurrection ouvrière. Donc, il y a eu des désertions très importantes dans le Parti communiste français, des intellectuels qui avaient été des dirigeants de la résistance française communiste pendant la Deuxième Guerre mondiale ont quitté le parti, des intellectuels. La même chose aussi dans les partis socialistes. L'Union soviétique avait certain prestige à cause du rôle qu'elle avait joué dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était un coup très dur pour le mouvement. Perte de l'innocence, d'une certaine manière. Exactement. Pour ses sympathisants soviétiques, communistes du côté ouest. Il faut reculer dans le temps pour bien comprendre ce qui se passe en octobre 56 et en novembre 56 en Hongrie. Est-ce qu'on peut dire qu'au fond, tout commence d'une certaine manière avec la mort de Staline en 1953, Jacques Lévesque? Quel impact, en tout cas, a cette mort en Hongrie? Tout à fait. Ça a été le premier catalyseur des événements qui vont se passer en Hongrie. Après la chute de Staline, Malenkov arrive au pouvoir, un réformateur, et il va demander, avec l'accord de la direction, qu'on établisse une direction collective, en URSS d'abord, pour éviter le despotisme arbitraire stalinien. Et en même temps, il va demander qu'on fasse la même chose en Europe d'Est, principalement en Hongrie. Parce qu'en Hongrie, il y a un dirigeant, le dirigeant stalinien de la Hongrie, qui s'appelle Matthias Rákosi, a été le plus brutal mal de toute la période stalinienne en Europe de l'Est. C'est le plus détesté. Donc, sous la pression de Malenkov, on va demander à Rogojine de partager le pouvoir. Et c'est dans ce... Il va rester encore chef du parti avec une capacité de nuisance considérable. Mais Imre Nagy va être appelé comme premier ministre. Et c'est le début de... Imre Nagy était déjà un personnage populaire parce qu'il avait été sanctionné par le parti dans les années 40 pour avoir demandé un rythme plus faible de l'industrialisation accélérée, produire davantage de biens de consommation. Ouais. Il avait été sanctionné par le parti. Donc, il y a un bon souvenir de lui dans l'opinion publique. Donc, quand il revient comme premier ministre, il va se lancer sur les mêmes objectifs. Réduire la tension, une plus grande liberté de débat, etc. Il va devenir très rapidement populaire. Très populaire. Sauf que ce qui va gâcher les choses, c'est qu'en 1955, à la faveur des luttes pour le pouvoir entre Malenkov et Khrushchev, Rogojine va en profiter pour éliminer de nouveau, Imre Nagy. En d'autres termes, mettre fin aux réformes qu'il avait abordées. Donc, en quelque sorte, c'était remettre la couvercle sur la marmite en ébullition. Parce qu'au fond, les tensions, ce qu'il faut comprendre, quand on parle d'un pays comme la Hongrie, qui est un pays satellitaire de l'URSS, l'ombre de Moscou plane sur tous ces pays. Ce que vous décrivez, au fond, c'est que les tiraillements, à l'intérieur même du Parti communiste, les tiraillements à Moscou, après la mort de Staline, entre réformateurs et staliniens, ont un effet partout, tout en Hongrie comme ailleurs. Exactement. Il y a un deuxième élément qui est central, qui est extérieur à la Hongrie, mais qui est central dans cette marche de la Hongrie vers l'insurrection de 56, c'est ce qui va suivre la mort de Staline, le fameux rapport secret et le discours de Khrushchev au 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en février 56. Mmh. Ça va être déterminant. D'abord, qu'est-ce qu'il dit, Khrushchev, à ce congrès? Donc, Khrushchev parle de crimes de Staline. Les déportations massives, les procès fabriqués à Moscou, les condamnations pour des motifs inutiles. Bref, Staline est décrit comme un despote impitoyable. Et c'est un rapport secret, mais qui va très vite être publié. Ça va amener une commotion dans les rangs des partis communistes européens, notamment en Pologne ou en Hongrie, où il y a beaucoup d'intellectuels communistes qui remettent les choses en cause. Et ça va être un élément déclencheur important. D'une part, pour la Pologne, mais tout d'abord, ce qu'il faut dire aussi, pour revenir à la Hongrie, c'est que après dans le contexte du 20e congrès, Khrushchev va demander le départ de Rogojine en Pologne. Mais Rogojine va réussir à se faire remplacer par un stalinien moins radical que lui, bien sûr, en Hongrie, mais qu'il contrôle. Donc, il n'y a rien qui bouge encore en Hongrie. C'est en Pologne qu'il va y avoir une première insurrection victorieuse, si vous voulez, et qui va impulser celle de Hongrie. Et ça, c'est intéressant parce que la Pologne va ouvrir la marche à ce qui suivra en Hongrie, mais le résultat sera différent. Exactement. Et c'est intéressant de savoir pourquoi, justement, la Pologne a eu un succès et pourquoi il y a eu l'échec en Hongrie. En Pologne, à la suite du 20e congrès, c'est la direction du parti qui prend l'initiative, sans consulter les Russes et contre même l'avis des Russes, de remettre au pouvoir Władysław Gomułka, qui avait été exclu et emprisonné même pendant la période des années 40, parce que, comme communiste, il voulait une voie polonaise vers le socialisme. Il était contre la collectivisation de l'agriculture. Et la direction du Parti polonais lui demande de redevenir chef du parti avec un programme de transformation radicale. Là-dessus, dès que les Soviétiques apprennent ça, Khrushchev, Mikoyan, la direction soviétique arrive à Varsovie sans être invité, en se faisant accompagner d'un mouvement de troupes pour faire pression, pour empêcher le retour de Gomulka et de son programme. Pendant 18 heures, Gomulka va négocier avec les Russes, va céder strictement rien. Pendant ce temps-là, la population se mobilise dans les ouvriers contrôlés par le parti, les vont s'organiser pour faire des manifestations pour soutenir Gomulka, qui demande, entre autres choses, qui va faire la décollectivisation de l'agriculture, l'introduction de conseils ouvriers non contrôlés par le parti. Et ensuite, la Pologne étant catholique, réintroduire l'enseignement de la religion dans les écoles publiques, donné par des prêtres nommés par l'Église. Dans un pays communiste. Dans un pays communiste. Lever de la censure. Ça va être un enthousiasme populaire extraordinaire, tel qu'au bout de trois jours, les Soviétiques vont faire retirer les troupes, non pas de Pologne, mais de Varsovie. Et ça sera un triomphe extraordinaire. Ouais. Et c'est ça qui va enclencher, trois jours après le départ, le retrait partiel des troupes soviétiques autour de Varsovie. Parce qu'on... On veut la même chose en Hongrie, tout simplement. Voilà, les Hongrois voient ça, ils se disent, c'est possible. Encore une fois, pour bien comprendre la séquence, il y a la mort de Staline, ouverture, début d'ouverture. C'est ça. Le fameux 20e congrès. Blocage encore en Hongrie. L'ouverture s'accentue, les Polonais saisissent l'occasion. Exactement. Et les Hongrois se disent, on va faire pareil. Pourquoi pas? Donc, trois jours après le triomphe de Gomulka et le soutien populaire dont il met ici, il y a des manifestations énormes qui s'organisent dans la nuit du 23 octobre à Budapest, cette fois. Or, le dirigeant en place, contrairement aux Polonais, panique et demande une intervention soviétique. Il y en aura deux interventions. Ouais. Une première intervention soviétique pour rétablir l'ordre. Le lendemain matin, paniqué lui-même, il démissionne et demande à Imre Nagy de former un gouvernement. C'est le début, donc. C'est le 23. Pour la portion hongroise, c'est vraiment le 23 octobre 56 que ça commence, des étudiants qui manifestent, et ce que vous décriviez, le mouvement commence cette nuit-là. Avant de décrire la suite des choses, petit extrait, un témoignage de Georges Stentov au micro de Léo Kalinda à l'émission Dimanche Magazine, le 5 novembre 2006, qui se rappelle du début de comment ça s'est passé à partir du 23. Le matin, quand nous ont levé, le 23, mon oncle est rentré de travail. J'ai attendu des rafales de mitraillettes et des mitrailleuses et de fusils. J'ai demandé à mon oncle, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, c'est la révolution. Nos confrères coréens qui sont venus en Hongrie et nous renseignaient comment détruire des tanks, des chars d'assaut. Il faut faire des cocktails Molotov et lancer en arrière sur le tank parce que le moteur est placé en arrière de tank. Il brûle. Il brûle et après, il explose. Concrètement, est-ce que vous pouviez vraiment gagner? Vous ne pouviez que harceler les Soviétiques. Vous n'étiez pas très armés. Nous n'en étions pas très armés. Nous avons essayé de prendre des armes, nos policiers, et plus des soldats russes. Quand nous avons pris des soldats russes, nous avons enlevé leurs armes. Et plus des soldats russes, ils nous ont vendu leur arme pour un morceau de pain. Alors, comment ça se passe, Jacques Lévesque? À partir du 23 octobre et dans les jours qui suivent, il y aura des affrontements là, entre les Hongrois et les forces de l'ordre. Très peu dans un premier temps, après le 23 octobre, quand Imre Nagy arrive au pouvoir, il faut dire d'abord qu'il arrive au pouvoir dans des conditions catastrophiques pour lui. Et en d'autres termes, qu'est-ce qui fait le succès de Gomulka? C'est qu'il a... Le parti est avec lui. Son parti a acquis une nouvelle légitimité en résistant à la pression soviétique. Là, c'est l'inverse. C'est le parti lui-même qui a demandé l'intervention. Donc, en d'autres termes, Imre Nagy est assis un peu sur une chaise vide. Il n'a pas d'instrument de pouvoir et de base derrière lui. Les insurgés et l'insurrection se répand partout très rapidement dans le pays. Les Russes n'interviennent plus. Ils ont cessé d'intervenir. Mais des conseils ouvriers se forment, des comités de citoyens qui vont... Imre Nagy a encore un niveau de popularité, mais il ne contrôle pas l'agenda politique. Ça vient le pouvoir a pris panique. On a dit à Imre Nagy, voilà, prends les rênes. Exactement. Et le pouvoir est dans la rue. Il n'y a plus d'appareil. Ouais. Le parti est en dislocation. Il va essayer de le réorganiser, dissoudre le Parti communiste, en réorganiser un nouveau avec des éléments plus réformateurs et tout ça. Il va être en négociation constante avec les conseils ouvriers, mais avec beaucoup de difficultés. Il va commencer finalement à regagner un peu de terrain, trouver des compromis, même s'il y a une surenchère des demandes qui se fait. Est-ce qu'il ne va pas se laisser prendre lui-même dans cette surenchère? Parce qu'écoutez, je le disais au début de l'émission, mais il va aller loin. Il dira, la Pologne va se retirer du pacte de Varsovie. Ça vient plus tard. Dans les jours qui suivent, là, il ouvre les frontières Ça vient nettement plus tard. Ça vient après le 30 octobre. Ouais. Dans un premier temps, il réussit en créant un gouvernement, en rappelant au pouvoir des anciens partis qui étaient dans la coalition de 1948 avec les communistes. Il réussit à gagner un certain crédit, à calmer la tension, etc. Et c'est dans ce contexte, les Soviétiques, le 29 octobre, annoncent qu'ils vont retirer les troupes soviétiques d'Hongrie. Non pas retirer, il n'est pas question que la Hongrie cesse d'être un allié militaire, mais ils vont retirer les troupes d'Hongrie pour essayer de donner une chance à Imre Nagy de reprendre le contrôle de la situation. Mais devant l'annonce du retrait, et c'était réel, on a su seulement après, on a pensé pendant trop longtemps que c'était une fausse information ouais. pour tromper les gens, mais effectivement, sous la pression de Mao Tse-tung, qui à l'époque était en faveur d'un pluralisme à l'intérieur du camp socialiste dans les voies maintenant, a contribué à cette décision des Russes de annoncer leur retrait en espérant que ça va permettre à Imre Nagy de prendre le contrôle de la situation. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. On s'est mis à demander le retrait du pacte de Varsovie, les élections rapides, même des communistes ont été pendus spontanément dans les rues, des militants, etc. Mais c'est là où Nagy se laisse prendre au jeu, au fond. Il commence à y croire, à cette révolution. Effectivement. Et devant ça, Nagy, craignant effectivement qu'on renonce à l'idée d'un retrait des troupes, il va céder aux manifestations et aux manifestants et aux conseils ouvriers en proclamant le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie. Il n'y a pas de réaction immédiate, mais c'est ce qui a fait tourner le vent. L'intervention, ça va beaucoup trop loin. L'intervention va arriver 4 jours plus tard, mais elle est déjà à peu près décidée à ce moment-là. Et encore une fois, le rôle de la Chine est très important. Mao Tse-tung dira plus tard, lorsque la Hongrie s'est retirée du pacte de Varsovie, c'était la preuve que ce gouvernement refusait de faire la distinction entre le camp socialiste et le camp impérialiste, dit-il. Donc, ça se range à l'ennemi. Et on a fait pression devant l'hésitation des Soviétiques pour l'intervention. Donc, l'intervention commence 4 jours plus tard dans une hypocrisie complète. C'est-à-dire, on fait venir les militaires hongrois pour négocier avec eux le retrait des troupes, et tout ça, alors qu'on prépare l'invasion. Et le 4, l'invasion commence dans un déploiement complet. Lourde conséquences. Beaucoup de chars soviétiques. C'est très violent. Une invasion massive, très violente. Il y aura des milliers, en fait, plus précisément, on saura le chiffre exact plus tard, 2700 morts. Les frontières seront ouvertes pendant un bout de temps. Donc, des milliers de réfugiés. Il y aura 200 000 réfugiés qui vont quitter la Pologne à ce moment-là. Comment va réagir la communauté internationale à ces événements en Hongrie, Jacques Lévesque? On écoute d'abord l'appel lancé par le premier ministre Nagy à la radio nationale hongroise sur ondes courtes, le jour même où les Soviétiques donnent l'assaut sur Budapest. This is Imre Nagy, chairman of the Council of Ministers of the Hungarian People's Republic speaking. Ici Imre Nagy, le président du Conseil de la République d'Hongrie. Dès l'aube ce matin, les troupes soviétiques ont commencé leur attaque sur la capitale hongroise dans le but manifeste de chasser les forces démocratiques au pouvoir dans le pays. Nos troupes mènent actuellement le combat contre les forces soviétiques. Le gouvernement hongrois reste pour l'instant en place. C'est le message que je veux envoyer au peuple hongrois et au reste du monde. Quel écho aura cet appel d'Imre Nagy, Jacques Lévesque? Comment va réagir la communauté internationale aux événements en Hongrie? Justement, c'est en soi une grande tragédie. Pendant que les événements, avant même le début de la deuxième intervention soviétique, la Radio Free Europe, qui est subventionnée par les États-Unis, il y avait des têtes chaudes, là, vraiment pas sous l'impulsion du gouvernement américain lui-même, mais qui disaient « Ne vous fiez pas à Imre Nagy, demandez, ne faites pas de compromis avec lui, poussez les choses vers la liberté totale, le retrait du pacte de Varsovie. Les États-Unis vous soutiendront. » Allez-y, allez loin, le plus loin possible. Exactement. Or, une fois en place, les États-Unis n'ont absolument pas intervenu. Le respect des sphères d'influence, tout simplement, même si elles n'étaient pas officiellement et formellement reconnues, c'était la sphère d'influence. On n'a pas bougé du tout. Donc, l'écrasement de la Hongrie était total, sans aucun secours. Si Imre Nagy n'était pas allé si loin, évidemment, on voit bien, là, on l'a compris, il est poussé par le peuple hongrois. Plus loin qu'il ne l'aurait voulu, absolument. S'il n'était pas allé si loin, est-ce qu'il aurait pu rester en place et y aller de certaines réformes? Certainement. Il aurait pu faire à peu près toutes les mêmes choses qui ont été faites en Pologne, et où le régime a été très profondément transformé en Pologne. Oui. Bon, ce qui a été conquis en Pologne a été réduit ensuite un peu dans les années suivantes, mais pendant 3 ans, le modèle polonais était très particulier. Donc, on aurait pu avoir la même chose en Hongrie. Vous l'avez signalé, évidemment, il y aura beaucoup de réfugiés dans la foulée de cette insurrection hongroise de 56. Les frontières, pendant quelques jours, sont ouvertes là, avec l'Autriche. Donc, 200 000 Hongrois à peu près fuiront le pays. Beaucoup d'entre eux trouvant refuge au Canada. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue au moment où vous mettez pied sur la terre canadienne. Depuis plusieurs semaines, nous suivons avec une indicible émotion la lutte glorieuse et les terribles épreuves de votre pays. Chers amis, vous arrivez aujourd'hui dans un pays où deux grandes races ont formé une nation jeune et laborieuse qui est devenue plus forte à mesure que plusieurs autres nations lui envoyaient leurs enfants. Que notre pays soit pour vous, comme pour nous, une terre de liberté et de paix, c'est notre vœu le plus cher. Nous voulons vous aider à trouver de nouveau sur ce continent un foyer et une patrie. Nous vous accueillons comme des frères. Soyez les bienvenus à Québec. Monseigneur Maurice Roy, qui procède à l'accueil de 257 réfugiés hongrois ce jour-là, le 10 décembre 56 à Québec, quel rôle va avoir le Canada dans cette grande vague de réfugiés hongrois? Un rôle très important. J'ai lu qu'il y avait environ 35 000 émigrés hongrois qui étaient venus au Canada pendant après l'insurrection. J'en ai connu parmi mes professeurs d'éminents réfugiés. Mon professeur d'économie, le professeur Otto Thur, qui est par la suite sous-ministre des Finances à Ottawa. Ouais. Son épouse a été vice-rectrice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il y a Denis Zabeau, que j'ai eu comme professeur aussi, qui a fondé le département de criminologie à l'Université de Montréal. Donc, ça a été... Une de nos belles pages, au fond, dans l'histoire de l'immigration du Canada. Et encore, dans le contexte actuel, avec ce qui se passe avec les politiques de Trump, cet afflux de réfugiés a été un facteur de développement et d'enrichissement intellectuel et académique pour le Canada. La Hongrie, M. Lévesque, qu'est-ce qu'elle devient après cette insurrection de 56? Alors là, il y a un très grand paradoxe, parce que la rébellion a été, étouffée dans le sang. Imre Nagy, malgré l'avis de Kadar, qui avait accepté de prendre le pouvoir à la suite de l'intervention soviétique, Imre Nagy a été mis à mort. Donc, pendant trois années d'un régime de répression très fort, János Kadar, le successeur, va gruger très rapidement le maximum des seuils de tolérance soviétique. Les Soviétiques, ça a été très traumatisant pour l'Union, c'est Khrushchev a failli perdre le pouvoir à la suite de ça pour avoir fait la déstalinisation de la façon dont il l'a fait. Donc, les Soviétiques veulent pas vivre une expérience, ils vont laisser tolérer que Kadar aille au-delà de ce qui est accepté ailleurs par l'Union soviétique. Introduction de mécanismes de marché, notamment, une beaucoup plus grande liberté intellectuelle. Et les Hongrois, on connaît à ce moment les limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc, ça sera un régime où le niveau de vie sera un des plus élevés de l'Europe de l'Est. Un des régimes, finalement, le plus souple et le plus réformé de tous ceux de l'Europe de l'Est entre 1970 et 1989, avec la fin des régimes communistes de l'Europe de l'Est. Jacques Lévesque, c'était fascinant. Merci beaucoup, M. Lévesque, de votre participation à l'émission. C'est moi qui vous remercie. Jacques Lévesque, je vous le rappelle, est professeur émérite de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.